Bon, alors je fais oiseau. Oiseau? Oiseau. Oiseau, O-A? Oui. Mais c'est pas avec un A, un oiseau, c'est avec un I. Un oiseau n'est pas forcément dans un I. Oh, parce que t'es con. Bon, d'accord, tiens, je vais plutôt faire ça. Tableau, A? Tableau. Un tableau, ça finit pas avec un A, ça finit avec un U. C'est pas sur tous les tableaux qu'on voit des nus. Il y a des peintres qui font jamais de nus. Oh, t'es vraiment bon, d'accord, tiens, je fais raquette. Raquette, en commençant par deux R. C'est ça, raquette. Y a qu'un R sur raquette. Y a plusieurs nerfs sur une raquette, vous connaissez pas le tennis. Oh, tu deviens chiant. Bon, tiens, je fais addition. Oh. Bah, c'est bien écrit là. Ouais. A, 2, D, I. D'accord. Bon, et maintenant je brasse. Mais qu'est-ce. Je double, je continue. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces 2D? Bah, sur addition, y a 2D. Ah, ta gueule. Mylène, c'est à ton tour. J'arrive. Et Mémé, ça va être à vous après, préparez-vous. Mylène, elle a pas un W? Si, elle en a un. Pauvre elle. Pourquoi? Eh ben, on peut rien écrire avec ça, à part Wapiti. Tu paries qu'elle revient de la cuisine et qu'elle nous fait Wapiti? Bon, j'arrive. Wapiti. Bon, c'est mon tour. Je t'avais dit. Eh ben, dis donc. C'est le bruit de ses pantoufles. Bon, alors tiens, je vais faire ça. Ah, je savais que tu jouerais ton W. C'est quoi? Edrou? Edrev? C'est pas un W, c'est un M, et c'est pas Edrou ni Edrev, c'est merde que tu lis à l'envers, et j'ai encore mon putain de W. Bon, ça va, chérie. Alors, mémé? C'est à vous de jouer, là. Ah, elle a plusieurs lettres, mémé. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle écrit, là? Euzgaga. Bon, on va encore l'accepter, mémé, mais c'est la dernière fois pour ce mot-là. Bon, c'est mon tour. Est-ce que je peux consulter le dictionnaire avant? Non, tu consultes pas le dictionnaire avant! Bon, écoute, pour cette fois-ci, je vais consulter le dictionnaire avant. Tu touches pas, on t'a dit! Ah, qu'est-ce que ça dérange? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce dictionnaire? C'est un dictionnaire avant. De toute façon, mes petits amis. Bon, qu'est-ce qu'il va nous je faire? Je mets cette unique lettre E ici. Oh, l'enfoiré. Et je joins ensemble les mots spermatozoïdes pour 33 points. Aztèque pour 28 points. En faisant le mot zen pour 15 points. Le z compte pour triple, ça nous fait 45. T'es plein de merde. Les deux mots verticaux comptent pour double, ça fait 66 plus 56. Et attention, je rejoins un troisième mot, rétention, qui compte pour 85-84. Et ça compte pour double, 164. Et c'est pas tout, je joins le mot Scrabble qui est imprimé sur le côté de la planche. Et attendez! Je joins également le mot restaurant qui est écrit sur l'enseigne dehors. Nous faire chier avec tes points. On sait que t'es bon, on sait que t'es le meilleur. Alors arrête de fourcher, arrête de fourcher, Bon, c'est à moi de jouer. Oui. Putain, qu'est-ce que je fais avec toutes ces lettres? Moi j'avais 7 petits carrés et là j'en ai plus. Ça c'est mes dents.